50 languages. 28. 28. في الفندق الشكاوى. À l'hôtel, réclamation. À l'hôtel, réclamation. الدوش لا يعمل. La douche ne fonctionne pas. La douche ne fonctionne pas. لا يوجد ماء ساخن. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. أيمكنك إرسال أحد لإصلاحه؟ Pouvez-vous réparer ça? Pouvez-vous réparer ça? لا هاتف في الغرفة. Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. ولا جهاز تلفاز في الغرفة. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. La chambre للغرفة. La chambre n'a pas de balcon. La chambre n'a pas de balcon. الغرفة صاخبة. La chambre est trop bruyante. La chambre est trop bruyante. الغرفة جدا صغيرة. La chambre est trop petite. La chambre est trop petite. الغرفة مظلمة للغاية. La chambre est trop sombre. La chambre est trop sombre. التدفئة لا تعمل. Le chauffage ne fonctionne pas. Le chauffage ne fonctionne pas. المكيف لا يعمل. La climatisation ne fonctionne pas. La climatisation ne fonctionne pas. جهاز التلفاز معطل. La télévision est cassée. La télévision est cassée. ذلك لا يعجبني. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. ذلك مكلف للغاية. C'est trop cher pour moi. C'est trop cher pour moi. ألديكم ما هو أرخص؟ Avez-vous quelque chose de moins cher? Avez-vous quelque chose de moins cher? هل هناك بيوت للشباب بالقرب؟ Est-ce qu'il y a une auberge de jeunesse dans les environs? Est-ce qu'il y a une auberge de jeunesse dans les environs? هل هناك فندق ومطعم عائلي قريب؟ Est-ce qu'il y a une pension de famille dans les environs? Est-ce qu'il y a une pension de famille dans les environs? هل هناك مطعم قريب؟ Est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs? Est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.